Hola! Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe, aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Non, songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite, de quoi s'asseoir. Voyez l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? Ta chute, ignorant. Ne vois-tu pas les causes et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté ce que nous appelons centre de gravité? Je m'en suis aperçu, madame, étant par terre. Le lourdeau. Bien lui prend de n'être pas de verre. Oh, de l'esprit partout. Cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de chose. Et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, le ragoût d'un sonnet, qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sélatique assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Oh, je n'en doute point. Donnons vite audience. Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Sonne. Silence, ma nièce. Oh, laissez-le donc dire. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, le joli début. Qu'il a le tour galant. Lui seul, des vers aisés, possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence s'est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement, où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. Ah, tout doux. Laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent à ses vers, jusque au fond de l'âme, couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement est la jolie mendie et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Oh! Que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien, comme moi, la finesse? Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre, on prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets, faites-la sortir quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit, on dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses, qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit? Et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête, cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tiercé. Je vous prie. Ah, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites la sortie. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Riche appartement. C'est ingrate, insolemment. C'est ingrate de fier. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi. Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang. Et nuit et jour, vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On parle. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain. Sans la marchander davantage. Noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains. Là, noyez-la dans les bains. Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. Le sonnet dont vous semble... Admirable. Nouveau. Et personne, jamais, n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture? Vous faites là, ma nièce, une étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit, il ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importunent madame. Quoi? Je n'écoute pas. Voyons l'épigramme. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis. Ces titres ont toujours quelque chose de rare. À son beau trait d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour. Si chèrement m'a vendu son lien, qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher ma laïs. Oh, ma laïs, voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut 1 000 000. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher ma laïs. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est de ma rente. Celui-là ne s'attend pas du tout. On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est de ma rente. Voilà qui se décline. Marante, de ma rente, amarante. Je ne sais du moment que je vous ai connu si sur votre sujet j'eus l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Mais si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi, nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer, en ami, 8 chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté quand de sa République il a fait le traité. Mais à l'effet entier, je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger toutes tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe ou de l'air d'un manteau ou des beautés d'un point ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de son honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de part. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu. Et si je rends hommage aux brillants de leurs yeux, de leur esprit aussi j'honore les lumières. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées, conduites en cela par des ordres meilleurs, qu'on y veut réunir ce qu'on sépare ailleurs, mêler le beau langage et les hautes sciences, découvrir la nature en 1000 expériences et, sur les questions qu'on pourra proposer, faire entrer chaque secte et n'en point épouser. Je m'attache pour l'ordre au péripatétisme. Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît, ses dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi des petits corps, mais le vide à souffrir me semble difficile. Et je goûte bien mieux la matière subtile. Des cartes pour l'aimant donnent fort dans mon sens. J'aime ces tourbillons. Moi, ces mondes tombants. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. On en attend beaucoup de vos vives clartés. Et pour vous, la nature a peu d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une. Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'hommes, comme je crois, mais j'ai vu des clochers. Tout comme je vous vois. Nous approfondirons ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers morale et politique. La morale a des traits dont mon cœur était pris, et c'était autrefois l'amour des grands esprits. Mais aux stoïciens, je donne l'avantage, et je ne trouve rien de si beau que leurs sages. Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, et nous y prétendons faire des remuements. Par une antipathie, ou juste ou naturelle, nous avons pris chacune une haine mortelle pour un nombre de mots, soit aux verbes ou non, que mutuellement nous nous abandonnons. Contre eux, nous préparons de mortelles sentences, et nous devons ouvrir nos doctes conférences par les proscriptions de tous ces mots divers dont nous voulons purger et la prose et les vers. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales, ces jouets éternels, des sots de tous les temps, ces fades lieux communs de nommer gens plaisants, ces sources d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables le projet. Vous verrez nos statues quand ils seront tous faits. Il ne saurait manquer d'être tous beaux et sages. Nous serons par nos lois les juges des ouvrages. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. Nous chercherons partout à trouver à redire et ne verrons que nous qui sachent bien écrire.